Nous sommes rendus au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux là pour la possibilité de rentrer chez vous et de vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Donc, dans l'Ouest, les stations qui nous diffusent, eh bien, il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton en Alberta, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, voir qu'est-ce qu'ils ont et peut-être sûrement le faire tourner à Canrock et ça va être entendu un peu partout à travers le Canada. C'est ça qui est génial. Donc, on va y aller avec le bloc de l'Ouest, comme je vous disais. Bien sûr, une chanson souvenir de celle que j'appelle affectueusement « Mamuse ». On ne s'est jamais rencontrés. On s'est parlé peut-être une fois au téléphone. C'est Marie-Josée Ouimet. Elle a sorti trois albums géniaux. Super belle voix, beau mood, blues, jazz. Et là, ce qu'on nous offre, c'est une chanson un peu folk. Ça s'appelle « Mon clair de lune ». C'était la pièce-titre de son premier album. Et écoutez le texte jusqu'à la fin. Vous allez voir, à la fin, il y a un punch assez puissant, merci. Donc, c'est génial. On va entendre ça avec grand plaisir. Et par la suite, on va entendre Renelle Ray de l'Alberta aussi, avec sa chanson « Parmi les autres ». Excellente chanson, vous allez voir. Mais pour l'instant, voici la charmante Marie-Josée Ouimet et sa chanson « Mon clair de lune ». Aimez-vous. que je voulais entendre. Je n'étais pas sûre de bien comprendre pourquoi c'est moi qu'il regardait si bouleversée. J'ai dit montre-moi ce qui m'attend. Il s'est approché. Lentement la nuit s'est écoulée. Presque fini. Il m'a promis de rester. Pourquoi mon cœur s'est emballé? Si accroché, j'ai dit j'ai peur de ce qui m'attend. Pour moi, tout lui donner, alors qu'il ne méritait pas. Je suis tombée trop vite, clairement de ma faute. Je n'étais pas la seule, il y en avait d'autres. Déjà, je crois encore au bien. Tu n'as pas tout détruit. Et malgré toi, je sais qui je suis. Une soirée, la pire des danses pour moi. Tu méritais pas. Je suis tombée trop vite, clairement de ma faute. Je n'étais pas la seule, il y en avait d'autres. Renelle Ray, un nom à retenir. Je crois qu'elle est d'Edmonton, en Alberta. Elle a sorti un petit EP fort intéressant que j'ai. 4 chansons. Et j'espère qu'elle aura la chance bientôt de faire un album complet. Parce que j'adore sa voix, j'adore son écriture, son jeu de guitare, tout le kit. C'est vraiment merveilleux. Si c'est comme la chanson qu'on vient d'entendre, parmi les autres... ça risque d'être magnifique et j'espère un jour la rencontrer, la croiser pour lui dire en personne comment qu'elle est bonne et de continuer son beau travail. Donc Renelle Ray, on vient d'entendre la pièce parmi les autres. Là, on va y aller avec une autre muse que j'ai au Canada. Je pense que c'est mon auteur-compositrice interprète préférée. C'est une femme charmante, très sympathique, très talentueuse, qui se remet souvent en question pour voir si tu correct ce que je fais. Mais crois-moi, ma chère Annick Granger, c'est correct ce que tu fais parce que c'est génial. Elle a eu l'idée d'avoir un projet assez exceptionnel, le ruban de la cassette. Et ce projet-là, elle rencontrait des gens, elle parlait de des gens qui ne sont pas nécessairement dans le métier, là, et elle parlait de différents sujets. Et par rapport aux réponses des gens et tout ça, elle écrivait une chanson, paroles et musique, et elle faisait entendre ça à un autre artiste pour voir si c'est correct, oui, non. Et comme ça, à chaque fin de blog, de série de blogs, il y avait une chanson qui sortait comme telle. Et elle a décidé d'enregistrer ces chansons-là et de l'offrir aux gens. Donc, je vais vous envoyer deux pièces de du CD, le ruban de la cassette. Vous allez avoir deux chansons originales qu'elle a composées pour différentes personnes qu'elle a rencontrées. Le premier extrait, c'est « My name is Brian Wilson ». Vous allez voir, très intéressant. C'est en français. Et l'autre, « On fuit la mort, on suit la mort ». Voici Annick Granger. Wouldn't it be nice if it was easy? Wouldn't it be nice si c'était simple comme du country? Dans une vie à trois accords, j'en voulais plus encore. Les temps sont durs comme l'asphalte, les jours sont longs, chemin de fer. Tu m'as vu pleuvoir sur le trottoir, tu m'as vu mordre la poussière. I know perfectly well I'm not where I should be. Et je tombe comme une larme dans ton whisky. Je sac mon camp d'ici. Wouldn't it be nice si j'avais recommencer. Si j'avais pu choisir comment m'appeler, me dire avant que j'abandonne. Oh, my name is Brian Wilson. Mais les temps sont durs comme l'asphalte, les jours sont longs, chemin de fer. Tu m'as vu pleuvoir sur le trottoir, tu m'as vu mordre la poussière. I know perfectly well I'm not where I should be. Et je tombe comme une larme dans ton whisky. Je sac mon camp d'ici. Jukebox avait joué la chanson de Hank Williams que tu lui avais commandée. Moi je veux du soleil, je veux l'été, the surfing USA. Wouldn't it be nice d'oublier. Je m'ennuie à en pleurer. I know que tout le monde à sa façon s'enfuit. Et je tombe comme une larme dans ton whisky. Je sac mon camp d'ici. Mais c'est dur à donner.

une écriture exceptionnelle et une voix vraiment là, magnifique. Annick Granger, elle vient de Saskatoon, elle demeure maintenant dans la région de Montréal. Et c'est vraiment intéressant. Je vous donne une adresse, allez faire un tour. Le ruban de la cassette sur Facebook, faites ça, ou allez sur annickgranger.com/ le ruban de la cassette. Allez découvrir cet univers-là, c'est magnifique. J'ai écouté l'album rapidement, génial, c'est la seule chose que je peux dire. Et j'ai bien hâte d'écouter ça à fond et de vous en faire un commentaire de disque, bien entendu. Et c'est une amie, avec le temps, c'est devenu une amie, mais c'est une auteure, compositrice, interprète que j'ai découvert avec Polyester à l'époque. Elle venait de Saskatoon, mais qui est vraiment talentueuse, exceptionnelle. Il faut que vous découvriez ça. AnnickGranger.com, allez faire un tour, vous allez voir. Vous allez tomber en amour comme moi, je vous le garantis. C'est presque le temps de se dire au revoir. On attend une dernière chanson. Monsieur Loïc Morin, un gars de la France qui demeure maintenant à Vancouver. Il avait sorti un premier album, La Tempête, que j'ai reçu, que j'ai adoré. Et là, il a travaillé sur un deuxième album. Le premier extrait est disponible. C'est tout simplement Fantôme. J'attends, il semble m'avoir envoyé son deuxième album. J'attends une copie, je vais écouter ça à fond. Je suis sûr que ça va être excellent, parce que si c'est comme la chanson qui s'en vient, c'est merveilleux, vous allez voir. Donc, avant de se quitter, on va y aller avec une chanson de Loïc Morin de Vancouver. Voici tout simplement la chanson « Fantôme ». Les invitations, les réceptions. Je cours après le monde, la mode, les photographes, la lumière. Je cours après le vide. J'écris pour rien, je ne parle de rien. Mais jour après jour, on m'aime plus fort. Et je suis tellement entouré par des milliers. Fantôme, Vous savez, là, après 25 ans, je suis encore jamais aussi rassasié. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons qui est tout excité d'avoir un nouveau produit, que ce soit Annick Granger, que ce soit Loïc Morin, que ce soit Monette, que ce soit Michel Lalonde. Bref, des nouveaux artistes, de la nouvelle musique franco-canadienne, ça me fait triper au plus. Et puis, ça me fait plaisir de partager ça avec vous à chaque semaine. Ça, grâce à différentes radios, je les nomme au cours de l'émission, mais il y a 15 stations de radio qui diffusent mon émission comme ça, et ça me fait plaisir. Merci beaucoup de diffuser l'émission à toutes ces radios-là, un peu partout à travers le Canada. Et bien entendu, je tiens à remercier Amélie Barbeau qui s'occupe du réseau RFA de l'Arc du Canada. Grâce à elle, je peux aller dans mon émission peut aller dans différentes stations de radio à travers le Canada, et c'est génial. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous connaissez des artistes qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part, même pas à Canrock, envoyez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits et sûrement le faire tourner à l'émission comme telle. Eh bien, voilà le thème qui vient de commencer, hein, la pièce bien marquée, signée Louis Lefebvre, un gars de la région de Penetanguishene. C'est là-dessus que je vous dis une seule chose, allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support, et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye-bye!